Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté la colonie de vacances 6 décembre de la province du Gangwon, nouvellement réaménagée. Il a été accompagné de Cho Yong-won, chef adjoint de département du Comité central du Parti du Travail de Corée, et de Ma Won-chun, chef de département de dessin du Comité des Affaires d'État. La colonie située à un endroit pittoresque côtier de la ville de Munchon évoque un beau tableau de peinture. C'est un centre d'éducation extrascolaire destiné au campement des élèves de la province. En regardant avec un large sourire le panorama de la colonie, il a estimé très particulier les bâtiments pareils à un bateau à voile écartant les vagues et conformes à la caractéristique régionale et déclaré. À Gangwon est apparu un nouvel Eldorado, colonie de vacances pour nos enfants. Les habitants de la province ont exécuté une entreprise appréciable. En soutenant fidèlement le dessin du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, qui ont aimé la postérité avant les autres et qui ont considéré le travail pour elle comme la plus importante des affaires du parti et de l'État, on a réaménagé à merveille la colonie de vacances 6 décembre de la province du Gangwon. Je suis bien satisfait. Le camarade Kim Jong-un s'est renseigné en détail sur le réaménagement et les préparatifs de gestion en faisant le tour de divers endroits de la colonie, y compris la salle d'historique. Il a dit qu'avoir seulement cette colonie érigée sur l'initiative du président et marquée des soins méticuleux du dirigeant, on peut bien savoir l'amour pour la postérité et le futur des grands leaders qui ont conduit à dresser les Eldorados pour enfants dans les meilleurs endroits du pays, avec le sentiment des parents qui n'épargnent rien pour leurs enfants. Le regard fixé un bon moment sur le tableau de peinture où le dirigeant regarde les enfants partant pour la colonie de vacances, à côté de la voiture qui se dirigeait vers un poste de la première ligne du front, il a dit « Le général va au front et les enfants à la colonie de vacances, ce sont les paroles d'un chant composé au temps de la dure marche et de la marche forcée. » Sans jamais oublier le dessin du dirigeant qui s'est préoccupé tant pour ne donner aucun souci aux enfants, même à l'époque si difficile, il nous faut préserver les rires et les chants des enfants. En visitant la salle de lecture, l'infothèque, la salle de vulgarisation des connaissances générales, il a recommandé d'améliorer sans cesse la méthode d'enseignement selon la demande pédagogique du nouveau siècle en évolution et la mentalité des enfants, pour faire de la période de campement un processus permettant d'acquérir de larges connaissances. En faisant le tour des chambres à coucher, salle de classe pour la cuisine, salle de stage de cuisine du restaurant, cuisine, salle à manger et salle à manger pour l'anniversaire, il a fait remarquer. On dit avoir utilisé les matériaux de la région, c'est impeccable. Les enfants n'oublieront jamais leur repas devant le beau paysage de la mer et leur expérience de cuisine. En visitant la maison qui contient, entre autres, la salle d'éducation selon le patriotisme Kim Jong-il, la salle d'éducation de classe et la salle de jeux électroniques, il a affirmé « Tous les éléments ont l'intérêt éducatif pour amener les enfants à aimer la patrie et le peuple. Il faut réunir de meilleures installations culturelles d'éducation et de conditions de vie dans la colonie au niveau de nos enfants grandissant dans la société civilisée. » Après avoir fait le tour du gymnase polyvalent, de la salle de douche dans la plage et du terrain de sport spacieux, il a dit avec joie. On dit que tous les équipements et même le gazon artificiel sont fabriqués par la province du Gangwon. C'est très bon. Les vacanciers pourront s'amuser à souhait pour fortifier le corps et discipliner l'esprit. En se promenant dans l'enceinte de la colonie, il a apprécié bien le paysage de la colonie situé dans le bois de pin et invité à planter davantage d'arbres de bonnes espèces et d'arbres fruitiers de toute espèce, à embellir davantage le paysage environnant et à transformer l'enceinte de la colonie en bois éducatif pour les élèves. Le camarade Kim Jong-un a déclaré que le réaménagement de la colonie est le résultat de l'effort des cadres, des militants du parti et des travailleurs de la province du Gangwon, qui ont la noble conception de la vie selon laquelle il faut ériger une nouvelle création de plus pour les enfants et l'avenir de la patrie, et apprécier haut leur mérite. Il a témoigné d'une confiance suprême en disant que les cadres, les militants du parti et les travailleurs de la province du Gangwon ont surmonté les difficultés et épreuves rencontrées en comptant sur leurs propres forces pour réaménager à merveille la colonie, que la production par les moyens de la province des matériaux nécessaires aux travaux de réaménagement selon l'orientation du parti en matière de nationalisation a été l'un des objets de ses plus grandes joies, et que tous les secteurs, toutes les unités d'activité doivent apprendre auprès de la population de la province du Gangwon qui a fait valoir sa capacité de se renforcer soi-même. Le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec le personnel de la colonie après avoir exprimé la certitude qu'il accomplira à merveille sa mission honorable, bien conscient que les rires des enfants animent tout le pays.